Tu as quitté la vie, mais tu sembles être là. Ta science te survit et guide encore nos pas. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es. Et sera notre aimé. Il a fallu que l'on apprenne à vivre sans toi, malgré la peine, sans ton visage. Ta voix, ta présence, sans attendre pour te voir avec impatience. Il a fallu que l'on apprenne, malgré ce cœur blessé qui saigne, chaque fois que ton nom est cité, quel que soit ce qui peut le tourmenter, ô cher. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. De la terre que tu as semée durant le temps qu'a duré ta vie, sortent et s'épanouissent des fruits aujourd'hui. Nourris par l'eau de la guidée, ô cher, tu n'as pas œuvré en vain. La lumière que tu nous as laissée n'est pas de celle que l'on éteint. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé. Quoi qu'il arrive, tu es et seras notre aimé.